t'agites maintenant. Le hobbit est quinquant, pimpant. Le hobbit est quoi? Brille, brille. Le hobbit est clinquant. Je rappe aujourd'hui, mais ça ne date pas d'hier. Je ne fais que ça. Hold up verbal au flingue imaginaire. Je braque ça. Je veux l'oseille, les intérêts, la banquière. Je fax ça avant de tailler, de quoi brailler à la maison mère. Check ça, boum, chakalaka, je déboule à la bien. Bouge, motherfucker, fais donc claquer tes mains, oh. Fais donc claquer tes mains. Goûte à ma fraîcheur, tu vas claquer des dents. Cap, t'es vraiment rap, élégant, ramener des gens. Soyez des mains pendant que je vais casser l'écran. Effacer les grands, strass et paiement. Bras, c'est grave quand je vais passer les 30. Moi, je suis calme et tigeant, mais v'là l'exigence. M'efface de la confiture à des pigeons.